solitude qui m'ose. Je regarde mes semblables. Un train de fin de semaine errant dans ville osmose. Devise imperméable. Je t'aime. C'est comme une prise, me noyer par palier, et j'en vois une rose pour ralentir la crise, malgré les escaliers. Me noyer par palier, et j'en